Audiomatique. Transmission 591 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique de Moby, de qui nous écoutions la courte pièce Scream Pilots de l'album Wait For Me, paru en 2009. Et maintenant, c'est au tour du quatuor français Limousine d'assurer la continuité à Audiomatique. shine. Shine that drone. Nous avions droit à Audiomatic, à la formation suisse The Young Gods, de son album studio Appear Disappear, paru en 2025. Nous vous avons présenté la chanson Shine That Drone. Précédemment à The Young Gods, nous avions droit au quatuor français Limousine et sa composition Autoroute, extraite de son quatrième album L'été suivant, lancé en 2019. Et on poursuit maintenant Audiomatic avec le Chicago Underground Duo.

Vous êtes toujours à Audiomatique et nous venons d'écouter une pièce originalement composée par David Bowie, soit Love is Lost, mais dans une version remixée par James Murphy, qu'on connaît entre autres pour son projet LCD Sound System. Donc la version de la pièce Love is Lost, Hello Steve Reich Mix by James Murphy for the DFA, peut se trouver notamment sur l'album The Next Day Extra EP, qui accompagne l'album de David Bowie The Next Day, paru en 2013. Et avant cela, on écoutait le Chicago Underground Duo, formé par les artistes Rob Mazurek et Chad Taylor. De leur plus récent album Hyperglyph, sorti en 2025, les sonoristes ont choisi de vous faire entendre la composition The Gathering. Audiomatique se poursuit maintenant avec le groupe franco-britannique Dead Chic. You count me in, Matisse. 1, 2, 3. Cast aside the parts of you, the ones you can erase. Sit beneath the silence of your speech. Baby, there's a part of you, a part that I forget. Sometimes it gets so difficult to preach. Patience and all understanding, conscious in all your words and what you've learned. Swings from her knees, summoned to the maker, nothing in between. I wanted freedom from your mercy, patience from your soul, relations to the prophet, and gave myself no way left to go, no way left to go. A man in a stadium mama gazed out on an apocalypse of the wisdom of my shame. Do a chain like an artist and I saw myself bleed. Be the cost of success, forgot now where I've been. I wanted freedom from your mercy, patience from your soul, relations to the prophet. Let's come back. close our eyes and tell ourselves these lies, proclaim a peace which both denies and simplifies. To ease the pain, provide release, defend, anesthetize. We build on sand, in the rain, but in the end, nothing built on lies will remain. Nous avons atteint les... Audiomatic. C'était le duo français Muet de son premier album Le Pic de Tout, qui est paru en 2023. Nous en avons diffusé la pièce titre. Tout juste avant, nous vous avons offert le duo anglais Radium 88 du mini-album intitulé Bad Faith, lancé en 2025. Vous avez entendu la pièce We Close Our Eyes. Et la formation franco-britannique Dead Chic débutait ce bloc musical avec la chanson Hedonista, que l'on peut retrouver sur son premier album Serenades and Damnation, sorti en 2024. Cette transmission d'Audiomatic prendra fin sur la musique du projet Doubting Thomas, composé des artistes Kevin Key et Feu Dwayne Gatto. De l'album The Infidel, paru en 1991, nous allons écouter la pièce F-862. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic.cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Doubting Thomas et la pièce F-862. C'était Audiomatic avec les sonoristes.